Arthur Rimbaud, Ma Bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussière rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des livres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur.